C'est à cause de celle qu'il aime, qu'un beau matin il voulut finir dans la Seine, reniant l'infidèle, se jeter tout entier en vue. De foutre à l'eau ses cornes et sa haine, adieu Berthe, je te maudis. Pour combler sa peine, puis ses idées mornes, la Seine était tarie. Et dans son quartier, on dit qu'il a eu une jolie veine de cocu. Et dans son quartier, on dit qu'il a eu une jolie veine de cocu. La Camarde en fuite, il pressa le pas afin de la rattraper. Chassant le trépas, une branche fortuite vint alors le chatouiller. Pour une pendaison, comme à l'évidence, elle lui semblait bien tomber. Mais la providence, parfois sans raison, est un tantinet borné. La branche céda à force de pendu sous le poids de sa veine de cocu. La branche céda à force de pendu sous le poids de sa veine de cocu. Lâchant pas le morceau, il reprit sa quête vers un lieu sûr pour mourir. Or la mort secrète ne manie pas la faux, n'importe où sans réfléchir. Droit sur le boulevard, alors il courut, espérant qu'elle lui sourit. Lorsque le SAMU, passant au hasard, percuta l'homme verni. Il fut sur le champ, sauvé à son insu, comme sa veine de cocu. Il fut sur le champ sauvé à son insu, comme sa veine de cocu. Tu peux être certain, quand il n'est pas l'heure, la vie reste bien accrochée. Or si par malheur, tu défies le destin, il arrive d'être trompé. Après un excédent d'alcool et de cachet, on le crut tous mort pardi. Les deux pieds devant, on le mit au frais, encore vivant cela dit. C'est ainsi que de froid tout seul il mourut, avec sa veine de cocu. C'est ainsi que de froid tout seul il mourut, avec sa veine de cocu.